J'aime la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, et oui, surprise, c'est Gaël qui vous parle, je suis désolé, Sabine sera avec vous ce soir à 20h, il est 18h si vous écoutez cette émission en direct, et vous êtes sur une émission spéciale de Zik Actu. Ça pourrait aussi être une émission spéciale d'Au fil des mots avec Sabine, puisque Sabine est là aussi, en soutien, mais voilà, en tous les cas, aujourd'hui j'ai le plaisir, l'immense privilège d'accueillir une bonne quinzaine d'élèves de l'école de musique départementale, qui se nomme AMD, Ardèche Musique et Danse. Et on commence déjà. Est-ce que vous êtes là? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais oui, elles sont là. On va vous proposer un petit programme exceptionnel de concert live. Donc vraiment, les élèves sont en direct à la radio et vont vous interpréter des morceaux. Donc on a un petit programme d'une petite heure d'émission. J'espère que ça vous plaira. On va tout de suite commencer avec Amy, Isabelle et Colline. Qu'est-ce que vous allez nous jouer, les filles? Imagine de John Lennon. Imagine de John Lennon, et bah très bien. C'est parti alors. Vous êtes au point, tout va bien, pas trop stressé? Non, ça va. Mais en premier, on va vous jouer un morceau qui s'appelle Vide. Eh bien, faites bien comme vous voulez, tiens, allez-y, faites comme chez vous. On écoute donc un morceau de guitare classique qui s'appelle Vide et qui est de Jean-Yves Lemaire, par Amy, Isabelle et Colline, c'est à vous. Bravo, et en plus vous êtes venu en public accompagné des parents, des élèves et des autres élèves qui vont jouer tout à l'heure. Merci pour ce morceau, c'était très beau. Ça va? Oui. Ok, donc juste pour aiguiller un peu nos auditeurs, ça fait combien de temps que vous jouez de la guitare? Moi ça fait 8 ans je crois. Donc là c'est Amy qui répond, Amy qui est à la guitare folk. Ça fait 9 ans que je fais de la guitare. Colline, ça fait 7 ans que je fais de la guitare. D'accord, donc vous êtes en cycle 2. En fait, l'enseignement est organisé par cycle et on a des examens, en fait, des sortes d'examens, des passages en fait, qu'on appelle des passages de cycle, tous les 5 ans, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez déjà des guitaristes chevronnés. On continue avec un autre morceau. Tout à l'heure, vous nous parliez de John Lennon, Imagine alors. C'est parti ? Imagine there's no may say I'm a dreamer, but I'm nothing of your own. I hope someday you will join us. The world will leave us one. Bravo, super, merci les filles. Merci, merci beaucoup, c'était très beau. C'est vous qui avez choisi ce morceau. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce morceau ? Ben, c'est un morceau qui est super joli et puis les paroles sont vraiment très très belles. En deux mots, ça parle de quoi ? Ben, ça parle de... C'est une sorte de rêve, en fait, que le monde, eh ben, il soit uni. D'accord. C'était un morceau qu'on avait beaucoup entendu à une période... Oui, durant les attentats. Parce que c'est en hommage aux victimes. Ouais, il y a eu plein de reprises à ce moment-là, et du coup, bah, vous avez fait aussi la vôtre. C'est ça qui est chouette. Bravo en tout cas, c'était très beau. Juste un petit mot pour savoir si vous étiez déjà venu à RDB. Oui. Déjà... Oui, une fois. Ah, mais vous êtes des habitués, oui. En fait. D'accord. Avec le collège ou avec le lycée ? Oui. D'accord. C'est quoi ? C'était l'émission du lundi soir, non ? C'est ça ? Décollage immédiat ou... Mardi, c'est décollage immédiat, c'est ça ? Oui. D'accord, bah très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ces deux morceaux, c'était très chouette. On continue notre programme avec Louise et Margot et Jean qui vont nous jouer un autre morceau. On fait un petit changement, alors ça va prendre quelques minutes. Le temps pour moi de peut-être de vous parler un petit peu plus de l'école de musique. Alors là, les élèves que vous venez d'entendre, c'était des élèves du Chélard. En fait, c'est de l'antenne du Chélard, je devrais dire, puisque l'école de musique du Chélard en fait fait partie d'un dispositif départemental du Conservatoire d'Ardèche. En fait, on pourrait l'appeler comme ça. Ça s'appelle Ardèche Musique et Danse. Et il y a 16 antennes, en fait. Donc 16 lieux de cours pour une organisation départementale. Et c'est un conservatoire, officiellement, un conservatoire agréé. Précisément, c'est un conservatoire à rayonnement intercommunal. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de communes qui se sont regroupées pour créer un conservatoire. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente quand même 1500 élèves sur tout le département de l'Ardèche, répartis donc en 16 lieux de cours. Et ces 16 lieux de cours sont répartis en 4 bassins. Le bassin centre, nord, sud et la vallée du Rhône. Donc nous, ici, au Chélard, et puis là où vous pouvez entendre cette émission, on est sur ce qu'on appelle le bassin centre. Le bassin centre, c'est les antennes du Chélard. Donc il y a une école au Chélard, à La Mastre, à Saint-Sauveur-de-Montagu, à Saint-Agrève et aussi à Colombier-le-Vieux. Alors ça fait un peu plus loin. Je ne sais pas s'ils entendent bien RDB à Colombier-le-Vieux, mais en tous les cas, ça fait partie donc de notre bassin, le bassin centre. Et il y a aussi des cours de danse. Donc nous, on s'occupe de la musique sur ces 5 bassins là, et la danse est enseignée à Vernoux-en-Vivarais. Est-ce que vous êtes installé confortablement ? A priori, vous n'êtes pas tout à fait installé, donc on va continuer un peu de parler de vous. Plus précisément, du coup, on va avoir Louise, Margot et Jean. Alors, Louise a une guitare électrique que vous pouvez entendre actuellement. Si tout le monde met son casque, comme ça nous allons pouvoir communiquer. Pour vous expliquer, pour ceux qui sont derrière leur poste, pour vous resituer, nous ne sommes pas dans la même pièce, en fait. Du coup, ce n'est pas forcément évident de communiquer. Si vous n'avez pas les casques et les micros, on ne peut pas s'entendre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Super. Et ben, bien le bonjour. Tout va bien chez vous ? Ça va. Ok. Alors, Jean n'a rien dans son casque. Alors, peut-être que tu peux monter le volume. Je suis à fond. T'es à fond ? Bah écoute, nous on t'entend bien. L'essentiel c'est qu'on t'entende bien. Peut-être que le casque est débranché. Essaye de le rebrancher. Allô. Non, c'est pas ça. Alors dans ces cas-là, faut prendre l'autre casque. Il y a un casque juste à côté. Autant prendre l'autre du coup, puisqu'il fonctionne. Non, il y a le casque sur le poste 4. Pardon, excusez-nous pour ceux qui sont en direct. On va y arriver. Donc, est-ce que Louise et Margot m'entendent ? Oui. Ouais. C'est parfait. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez nous jouer, s'il vous plaît ? On va jouer Lilywood and the Brick, Player in C. Alors c'est le nom du groupe, le nom du... Désolé, pour situer un peu pour les auditeurs, le titre du morceau ? C'est Player in the Sea. D'accord. Donc du groupe Lilywood and the Brick. Donc vous avez Louise à la guitare électrique et au chant, Margot au chant et à la guitare classique, et Jean à la guitare qui m'entend ? Jean qui m'entend, incroyable. Très bien, et bah écoutez, c'est à vous. Faites-vous plaisir. Super, bravo, merci. Merci. Ça va chez vous ? Oui, ça va. Ok, c'est pas évident de s'entendre, c'est complètement différent de jouer avec un casque sur les oreilles et de s'entendre à travers le casque par rapport à quand on s'entend en direct. Est-ce que vous arrivez quand même à m'entendre ? Je sais que le volume de ma voix dans le casque est pas très fort, ça va ? Oui, moi c'est bon. Ouais, moi aussi c'est bon. Ok, c'est peut-être pour Jean où c'est plus dur de m'entendre. Je suis un peu sourd. Ok. Donc, bah Jean, du coup, c'est bien parce que c'est l'occasion de redire qu'en fait, l'école de musique, elle s'adresse pas forcément qu'aux jeunes enfants. Jean n'est pas un jeune enfant. Je suis voilà. Donc, l'école, en fait, c'est à partir de 5 ans, de la grande section de maternelle, en fait, on peut faire de l'éveil musical. Et puis après, il n'y a pas de limite d'âge, hein, finalement. On a quelques retraités qui pratiquent le jazz, d'ailleurs, particulièrement. Et c'est ça qui est chouette. Il y a tous les âges à l'école de musique, au conservatoire même. Et c'est ça qui est super. Est-ce que quelqu'un, peut-être, parmi vous, puisque vous êtes là, bien installé, peut nous jouer un autre morceau ? Bah, il y a moi. Bah, tiens, tu tombes bien. Alors, ça, c'est Louise qui nous parle. Donc, Louise qui avait la guitare électrique. Et tu nous joues quoi ? Riverside de Agnès Obel. Super, bah, on t'écoute. Down by the river, to buy the boat, where have buddy goes to be alone, where you won't see any reason, son, to the river we will run. When was the water we drink to the track, look at the stone on the riverbed, I can tell, oh, from your eyes, you've never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody called you, somebody say, swim with the current, float away, down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When water hot river pass your eyes to wash all the dogs on the riverside, due to the water so very near, the river will be your eyes and ear. I walk on the border on my own, to fall in the water just like a stone. Child too narrow in this bone, why do I go here all alone? Oh my God, I see, oh everything is stone in the river deep. And I don't know why I go away. God, I see, oh, everything is storm in the river deep, and I don't know why I go away, down by the riverside. Super, bravo. Merci Louise. De rien. C'était très beau et c'est en plus un peu, pas improvisé, mais presque. C'est-à-dire que Louise, avant aujourd'hui, n'était pas au courant qu'elle allait faire ce morceau. Et du coup, elle a accepté au pied levé de vous interpréter ce morceau d'Agnès Obel, qui s'appelle donc Riverside. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu depuis combien de temps vous faites de la guitare aussi ? Attendez, vous m'entendez pas du tout là, hein, c'est ça ? Si, si. Alors on va faire juste un petit test. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Ah oui, ah. Beaucoup mieux. Ok, bon, j'ai trouvé le bouton magique sur la table de mixage, ça va encore mieux se passer. Du coup, ça fait combien de temps que vous faites de la guitare, toi Louise ? Moi, c'est ma 4e année. Ok, et tu t'es spécialisée sur la guitare électrique ? Ouais. Ou pas vraiment, en fait, tu joues un peu de tout ? Un peu guitare électrique, guitare classique et un peu acoustique. D'accord. Donc au conservatoire, on enseigne les trois guitares. On continue avec toi, Margot ? Moi, ça fait 3 ans que je fais de la guitare classique. D'accord. Super. Et Jean ? Moi, je compte plus les années, mais bon, ça fait 2 ans que je pratique avec toi, justement, sérieusement, disons. Ça y est, tu as balancé la grosse information. Je suis aussi votre prof de guitare. Ça, c'était secret. J'ai une double identité. Je suis animateur d'RDB la nuit et prof de guitare le jour. Ça y est, t'as dévoilé. Trop tard. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ces deux morceaux. Et on va continuer. Et donc, à tout à l'heure. On continue cette émission spéciale AMD, AMD Ardèche Musique et Danse. Donc pendant toute cette heure, on vous propose d'écouter de la musique live, mais de la vraie musique live, c'est-à-dire qu'on ne vous passe pas un live d'artistes qui sont lointains, c'est des vrais artistes qui sont dans les studios de RDB actuellement. Et du coup, ces artistes-là, c'est les élèves du conservatoire d'Ardèche, de AMD. Alors peut-être c'est l'occasion de dire un peu tout ce qui se passe au conservatoire au niveau des instruments. Donc il y a des cours de guitare acoustique et électrique. Donc là je salue Jean-Phi qui s'occupe essentiellement des cours de guitare électrique. Jean-Phi c'est une personnalité du Chélard, donc sûrement pas mal d'entre vous le connaissent, Jean-Philippe Cellier, qui s'occupe donc de donner les cours de guitare, qui intervient lui aussi de la crèche jusqu'aux maisons de retraite. Ils étaient justement à la maison de retraite dimanche dernier pour jouer du jazz. Donc on a la guitare acoustique, guitare électrique, on a la batterie, on a les percussions aussi d'orchestre, le saxophone, la clarinette avec Monheim, la flûte traversière, le piano évidemment, et le violon. Le violon, puisqu'on en parle, il y en a un qui arrive, c'est Baptiste. Baptiste, il est violoniste avec son prof Jérôme, que je salue. Et donc là vous allez écouter un duo qui vient de Lérieux, l'antenne qu'on appelle l'antenne de Lérieux, qui est située à Saint-Saulmont-Agu. Donc vous allez avoir Baptiste au violon et Rita à la guitare. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes là ? Oui. Oui. Mais c'est super, mais quelle synchronisation. Vous m'entendez bien ? Oui, oui. Et ben voilà, ça y est, on a réglé le petit problème technique. Super. Du coup, je vous ai déjà un peu présenté, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc voilà, on a Baptiste au violon et Rita à la guitare folk. Et qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Galopédé et The Poulette. Voilà, alors c'est des morceaux du folklore irlandais. Ouais, c'est ça. des morceaux traditionnels. Donc d'où le violon qui est tout à fait à sa place. J'aurais aimé qu'on ait plein d'autres instruments ce soir ou ce matin, ça dépend quand vous écoutez. C'est un peu plus compliqué d'amener une batterie ou un piano dans les studios. Donc du coup, on aura essentiellement de la guitare, mais on a la chance d'avoir ce soir Baptiste au violon. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Voilà Baptiste, mets-toi bien près du micro si possible, si ça ne te gêne pas. Et puis on vous écoute alors. Bravo, bravo, merci beaucoup pour cette musique irlandaise, ça va? Ça va. Super, ça fait combien de temps que vous faites, toi Baptiste, ça fait combien de temps que tu fais du violon? Ça fait 4 ans. Ok, et toi Rita? 4 ans aussi. 4 ans aussi, d'accord, pas trop stressant de jouer à la radio? Non, ça va. Bon, super, vous étiez déjà venu à RDB vous? Non, jamais. Ça fait un peu loin, vous nous faites l'honneur de venir donc de Saint-Sauveur de Montagu jusqu'ici pour nous jouer ce morceau, c'est très sympa de votre part, merci beaucoup. Et écoutez, merci, on va continuer ce programme avec Emma et Florian qui vont nous rejoindre le temps qu'ils s'installent. Je vais meubler, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si, pour ceux qui nous écoutent au Chélard, l'école de musique est située dans la maison de pays, rue du 5 juillet 1944, anciennement, en fait, au-dessus de l'office du tourisme. Si vous vous rappelez où était l'office du tourisme l'an dernier, eh ben, on est juste au-dessus. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ouvert à partir de 5 ans, donc les enfants peuvent faire de l'éveil musical. Et puis voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Et on essaye d'enseigner au maximum la musique autour d'une pratique collective. C'est-à-dire que tous les élèves, ici, bah, vous l'entendez bien, ont l'habitude de jouer ensemble, en fait, ont l'habitude de jouer en groupe. Il y a plein d'ateliers possibles. Alors, il y a l'éveil musical, donc les petits à partir de 5 ans jusqu'au CP, en fait, la grande section et le CP. Il y a l'atelier jazz, Il y a un atelier, il y a plein d'ateliers de musique actuelle que vous pouvez entendre notamment pour la fête de la musique. Il y a des ateliers musique du monde, alors un atelier particulièrement avec Monheim, un atelier d'improvisation contemporaine, de la musique de chambre, il y a de la formation, des formations musicales et donc des chorales aussi, une chorale d'enfants. Il y a aussi l'orchestre de la vallée de l'Arieux, donc il y a un orchestre qui se déplace en fait sur tout le bassin, dans toute la région. Et qui va proposer un concert qui s'appellera Le Bal des Flamands, une création, si je dis pas de bêtises, et dont on aura l'occasion de reparler dans Zik Actu. Est-ce que vous êtes installé ? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. C'est parfait. Donc, nous avons Emma à la guitare et au chant, et Florian à la guitare. Et j'entends, on vous entend quand vous parlez, hein, même quand vous chuchotez, on entend que vous avez oublié vos partitions. Alors c'est pas grave, je vais meubler un peu plus, c'est des choses qui arrivent. C'est pour vous montrer qu'on est vraiment en direct et que voilà, comme ils disent à la télé, c'est les aléas du direct. Tiens, bah du coup je vais faire parler Florian, ça va être l'occasion. Florian, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci, c'est gentil. Donc Florian, toi tu prends des cours où ? Alors je prends des cours à l'antenne de Lamastre. D'accord, donc toi aussi t'as fait le déplacement pour venir à RDB au Chélard, donc c'est sympa, merci. Oui. Avec, du coup, avec Emma, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que Emma a retrouvé ses partitions ? Emma a retrouvé ses partitions. Super. Oui, désolé. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On gagne un peu de temps, je crois qu'on va être un peu court en programme pour tenir une heure, donc vous pouvez inventer des choses comme ça. Il n'y a aucun souci. Du coup, qu'est-ce que vous nous proposez comme morceau ? Donc, on va jouer deux morceaux de Deportivo. C'est un groupe de rock français. Donc, on va jouer Parmi eux et 100 000 moi-même. Super, et ben on vous écoute. Mais dans mon monde, il y a des corps dans les ornières. À voir d'ici c'est immonde, tous ces miroirs à l'envers, tous les camps entre eux. Ne sont pas nés du même père, tous les camps entre eux se mettent la tête à l'envers. Mais dans mon monde, et toutes les sous-marées, et un ami qui répond. Si tu partais un pompier, je t'ai lent entre eux. Je t'ai lent entre eux. Putain, demain c'est l'hiver. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Sois mon amour, va te danser. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. On s'aimera, aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Mais dans mon monde, y'a des corps dans les ornières. À voir d'ici c'est immonde, tous ces miroirs à l'envers. Je t'ai lent en creux, je t'ai lent en creux. Putain, demain c'est l'hiver. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Mon amour va se danser, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. On s'aimera, on s'aimera. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Bravo. Super, on voit qu'on est du coup sur plein d'esthétiques différentes, c'est bien parce que du coup vous avez choisi des morceaux qui sont très différents les uns des autres. Du coup ça varie un peu, c'est bien. Ouais, carrément, on a commencé par du classique et là on arrive, Deportivo c'est un groupe presque punk, un côté punk rock, donc normalement c'est plutôt guitare saturée et c'est bien là, vous proposez une autre version, on s'éloigne petit à petit du morceau d'origine et finalement c'est très chouette. C'est très très bien, du coup vous faites un spécial Deportivo ce soir alors. Oui, c'est ça. Ok, le prochain s'appelle comment ? C'est parmi eux. Eh ben, c'est parti. On sera tous perdants, même le dernier des derniers. On paiera tous en sortant. Et les cancres en premier, mais l'amour vrai. Attends qu'on se soit consumé. Je sais, j'ai plus l'élan. Je sais où l'on a pied. J'oubliais comment on sortait quand vous disiez encore du vent et du vent. Mais Dieu aime mes parents pour un. tremble. Si j'ai une mère, elle m'attend. Et j'irai s'entraîner. Si je vis vrai, je mens. Je sais où l'on a pied. J'oublie comment sortir quand vous disiez encore du vent et du vent. J'avais rêvé d'être parmi vous et de m'accorder le droit de dire allez vous faire vous. J'avais rêvé d'être avec vous, mais avoir de pied, autant s'adresser à la foule. On sera pas tous perdants, même le dernier des derniers paiera tous en sortant. Et les cancres en premier, mais l'amour vrai attend qu'on se soit consumé. Je sais, j'ai plus l'élan. Je sais où l'on a pied. J'oubliais comment sortir quand vous disiez encore du vent et du vent. J'avais rêvé d'être parmi vous et de m'accorder le droit de vous dire allez vous faire foutre. J'avais rêvé d'être avec vous, mais avant de près, autant s'adresser à la foudre. Autant s'adresser à la foudre. Autant s'adresser à la foudre. Autant s'adresser à la foudre. Super, merci beaucoup. C'est bien, c'est l'occasion de réécouter des Portivo. Ça, c'est des morceaux qui ont bien une dizaine d'années. Ils sortent encore des albums, des Portivo, c'est un super groupe, il faut vraiment écouter. Et du coup, on va peut-être en profiter pour parler de votre actualité à vous, parce que là, vous avez un tiers ou une moitié d'un groupe qui s'appelle Radioactive Voices, que j'ai passé la semaine dernière d'ailleurs. Ah, et je ouais. sais pas. Ah ben voilà, vous écoutez pas mon émission. Ah non, pas cette fois. Non, y a pas de souci. Donc... Ben voilà, on est que deux ce soir, mais sinon on a un groupe de quatre, on va dire, The Radioactive Voices, avec aussi une batterie, ouais, une sorte d'extension avec une batterie et un piano. Donc on joue à l'occasion, on fait des concerts. Donc on fait par exemple le concert de La Mastre cet été. Super. Tu peux donner la date ? Oui, c'est le 25 août. Le 25 août. Voilà. Ok. Ça, après, c'est vraiment ça permet de parler aussi des jeudis de la Mastre, parce que tous les jeudis, il y a des concerts à la Mastre. C'est l'occasion des concerts du samedi, du jeudi soir. Ils sont vraiment très sympas. Ouais, c'est vraiment bien. Il y a une chouette scène, et puis il y a toujours un peu de monde. Et puis l'année dernière, c'était la folie quand vous avez joué. Il y a une très bonne ambiance, ouais. Oui. En tous les cas, pour votre concert, oui, il y avait une bonne ambiance, je m'en rappelle très bien. Et donc là, vous rejouez le 25 août. Oui, voilà. Ça marche. Et du coup, j'ai essayé j'en ai parlé un peu la semaine dernière et je n'avais pas le détail. Vous jouez aussi tous les samedis dans un camping ? Voilà, tous les samedis à partir du deuxième samedi de juillet jusqu'au deuxième d'août, au camping du Cresté. Donc voilà. Le camping des Roches ? Le camping du Cresté, d'accord, donc c'est pas sur la commune de La Mastre. Non. Donc j'ai dit n'importe quoi la semaine dernière, c'est bien. Ah bah bravo. Ok, d'accord, donc vous jouez tous les samedis au camping du Cresté. Oui, c'est ça. Ok, super, donc le groupe, je le rappelle, ça s'appelle Radioactive Voices. Est-ce qu'on peut écouter, trouver un peu des extraits de votre groupe ? Oui, alors si vous voulez trouver des extraits de notre groupe, vous pouvez consulter notre page Facebook, où vous aurez tous les liens des enregistrements qu'on a pu faire. Et vous pouvez aussi nous venir voir dans nos concerts. On aura aussi certains concerts dans des bars et qu'on affichera les dates sur la page Facebook. D'accord. La page Facebook, si on tape Radioactive Voices Facebook, on tombe dessus facilement ? Oui. Eh ben, c'est super. Il y a des projets d'enregistrement où vous avez déjà enregistré quelques titres ? On peut déjà trouver de la musique ? Oui, on a enregistré des compositions. D'accord. Donc, vous faites autant de la composition que de... Moins de composition quand même. Plus de reprises. Ok. Et donc oui, après on a plus des reprises qui sont enregistrées. D'accord. Eh ben super. Ben écoute, j'ai écouté. J'invite les auditeurs à écouter tout ça et à découvrir donc Radioactive Voices. Merci beaucoup Florian. Merci Emma. Et, merci à toi Gaël. Et puis à très bientôt. À bientôt. On continue cette émission qui est presque terminée en tous les cas pour la partie live. Après, peut-être qu'on leur laissera choisir quelques morceaux. Du coup, on va continuer avec Emric et Raïssa. Et j'en profite pour replacer quelques informations. Les élèves font régulièrement des concerts, particulièrement le vendredi qui vient, c'est-à-dire le vendredi 8 avril à 19h à La Mastre au Centre Culturel. Vous pouvez entendre les élèves interpréter des morceaux autour de la thématique des oiseaux. ça s'appelle, ce concert s'appelle Jardin d'oiseaux et tous les morceaux que vous entendrez seront liés de près ou de loin aux petits moineaux et autres. Et du coup, c'est l'occasion d'entendre les élèves de piano particulièrement et quelques élèves de guitare donc sur l'antenne de la Mastre. Tenez-vous au courant, il y a régulièrement des concerts en fait organisés par l'école de musique. On a aussi une masterclass, c'est-à-dire une classe de maître, le 29 avril, si je dis pas de bêtises, avec Didier Lockwood, qui est un violoniste de jazz, et ça se passera du côté de la Voulte sur Rhône. Au niveau événement, il y aura plein de choses. Il y aura des concerts, je pense notamment au 4 juin, un festival qui s'appelle le Festoche du côté de Colombier-le-Vieux, donc là essentiellement organisé, orchestré autour de la musique actuelle. Il y aura aussi le 25 mai à Saint-Agrève, avec du coup le bal des Flamands dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà, plein de belles choses à entendre et à voir. Est-ce que vous êtes en place, Aymeric et Raïssa? Oui, c'est bon. Très bien, super. Donc, cette fois, on n'aura qu'une guitare et deux chants. Alors, pour vous décrire la scène, Aymeric, elle est à la guitare et au chant, et Raïssa a son petit micro pour chanter. Elle est prête? Ça va, Raïssa? Oui, oui. Ok, Aymeric, c'est bon pour toi? Oui, merci, c'est bon. Et qu'est-ce que vous allez nous jouer? On va vous jouer « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Vous êtes sûr que c'est pas de Shakira, ça? Aussi, mais elle a été reprise. Ah, d'accord. Merci pour ces informations. Allez, c'est à vous. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux, son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Bravo, merci beaucoup. Merci. Et en plus, vous aviez du coup l'occasion de clore ce live incroyable de AMD, Ardèche Musique et Danse. Merci à tous les deux. Ça fait longtemps que vous jouez de la guitare? Ça fait 7 ans, moi. Moi aussi. Et ça aussi. Bon, on n'aura pas eu la chance de t'entendre à la guitare pour ce coup-ci, mais en tous les cas, on a entendu vos deux voix et c'était très bien aussi. Merci beaucoup. On va continuer cette émission. On va quand même aller jusqu'à 19h. Si vous voulez bien tous nous rejoindre, les élèves, Sabine aussi. Ça serait chouette de t'entendre un peu, dire un mot ou deux, peut-être faire un peu la promo de ton émission. Si tout le monde peut venir dans la régie, ça sera aussi simple. Voilà, j'en profite pendant que tout le monde se déplace pour dire encore une ou deux petites infos sur AMD, donc le Conservatoire d'Ardèche. Si vous souhaitez vous inscrire et du coup avoir l'occasion de jouer à RDB par exemple, vous pouvez nous rejoindre et vous inscrire du coup à partir de fin mai. Les réinscriptions pour les élèves qui sont déjà inscrits, ça sera fin mai, et les nouveaux venus sont les bienvenus à partir de juin. Vous pouvez vous inscrire en juin, attendez pas forcément septembre parce que les places se remplissent très vite. Et voilà, vous pouvez du coup apprendre tout un tas d'instruments. En tous les cas, au Chélard, on a guitare acoustique, électrique, batterie, percussion, saxophone, clarinette, flûte traversière, piano, violon. Mais venez rencontrer Armel et Sophie au secrétariat. Elles sont là tous les mercredis de 9h à midi, de 13h30 à 17h30 pour avoir plus d'informations sur tous les instruments. Parce qu'en fait, au Chélard, on a ces instruments-là, mais il peut y avoir par exemple du violoncelle à Saint-Agrève. Il peut y avoir, on vous propose plein de choses en fonction de l'endroit où vous êtes. Voilà, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous pouvez vous manifester un peu? Parce que par la radio, il ne vous voit pas, mais si, je pense qu'ils peuvent vous entendre. Allez-y, faites un peu de bruit. Tiens. Ouais. Merci, je vais même ouvrir un deuxième micro, comme ça vous allez pouvoir parler. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot, profiter de ce moment incroyable à la radio pour dire bonjour, passer une dédicace à quelqu'un? Dans ces cas-là, on va profiter du moment qu'on a pour peut-être passer un morceau. Vous avez l'occasion ou jamais de choisir ce qui se passe à RDB. Est-ce que quelqu'un veut passer un morceau? Bon, on va vous laisser réfléchir un peu pendant ce temps-là. Sabine, est-ce que tu peux venir t'installer à côté de moi? On va parler un peu de RDB. Je crois qu'il va falloir que tu laisses la place. Donc Sabine, à qui j'ai outrageusement piqué la place ce soir, voilà, normalement à 18h vous avez l'émission Au fil des mots avec Sabine. Du coup je suis désolé Sabine déjà de t'avoir piqué ta place, ton émission. C'est pas grave, c'était très bien, au contraire, il y a les élèves de l'école de musique, c'est très bien. Bon, bah merci beaucoup, et puis en plus, voilà, ce que j'ai pas dit au début, c'est que Sabine était en plus de ça à la technique, c'était notre technicienne de ce soir, et on peut l'applaudir très fort parce que du coup elle nous a carrément aidé, quoi. Merci. Voilà, parce que c'est pas évident d'être partout à la fois. Moi, je peux pas animer et faire la technique. Donc, merci Sabine d'avoir filé ce coup de main. Ça va, c'était pas trop compliqué. C'était de l'impro, mais bah, tu vois, ça le fait. Est-ce que tu peux juste nous toucher un mot ou deux de ton émission? Ben, mon émission, c'est tous les 15 jours. Enfin, c'est toutes les semaines impaires. Voilà, parce que des fois, il y en a deux ou trois par mois. Les semaines impaires, hein, oui, c'est une bonne solution, voilà, ça. D'accord. Donc, les semaines impaires, et il se passe quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Au fil des mots. Alors le concept, c'est que je pars d'un mot, d'une expression, et puis je voyage un peu dans le temps, dans les différents styles. D'accord. Avec et du coup, un thème différent à chaque émission. Par exemple, la dernière émission, c'était quel mot? Alors la dernière émission, c'était un peu spécial parce qu'il y avait une interview du groupe Pipelight et une présentation du groupe Crystal Pulse. D'accord. Alors ça, j'en ai parlé aussi la semaine dernière. Parce que c'est des groupes qui vont jouer aux Nonnières, c'est ça cet été? Oui, le 2 juillet ils vont jouer. D'accord, tu fais partie de l'organisation un peu, non? Voilà, un petit peu. C'est des super groupes en plus, vous avez bien sélectionné, c'est une super idée. Merci. Crystal Pulse et Hyplight, donc le 2 juillet aux Nonnières. Ok, peut-être qu'on peut parler un peu des collègues aussi. Donc moi, enfin déjà je parle des collègues, mais je commence par parler de moi en tant que gros égocentrique que je suis. Je m'occupe de l'émission le mardi soir qui s'appelle Zik Actu. Et donc c'est tous les mardis de 20h à 21h et c'est rediffusé le jeudi à 10h. Et l'idée c'est d'éplucher un peu l'actualité, tout ce qui sort, et puis je fais une sélection qui est absolument subjective. Et du coup moi je sélectionne ce qui m'a plu dans ce qui est sorti, on va dire dans les 15 jours, dans le mois qui a précédé, quoi. Donc ça c'est pour Zik Actu, toi c'est le mercredi, le lundi soir on a... La bulle coincée, avec Sullivan, tout à fait. Donc ça, c'est l'émission de BD autour de la bande dessinée, de l'actualité de la bande dessinée avec Sullivan et toute son équipe qu'on salue. On continue le jeudi. Le jeudi soir, Crossroads. Crossroads. Alors ça, avec Guy. Avec Guy, qui du coup parle de quoi? C'est du blues. Bon, j'arrive pas à tout faire en même temps, c'est pas grave. J'essayais d'attraper le morceau, mais je suis pas arrivé à l'attraper au vol. On verra ça tout à l'heure. Du coup, une émission spéciale blues le jeudi et le vendredi, vous avez le live de la semaine que Nico présente. Et Nico, qu'on salue aussi, et puis voilà, qu'on félicite pour tout le boulot qu'il fait pour les matinales et puis pour les après-midi, enfin, qu'il fait tout le temps en fait. Oui, et très présent pour les animateurs aussi quand il y a besoin, merci Nico. Carrément, et puis on salue aussi toute l'équipe de RDB, donc on a Brigitte qui vient de nous rejoindre au secrétariat, on a Audrey, on a Yann, et puis qui c'est que j'oublie, je crois qu'on est pas mal. En émission, oui, bah après il y a les habitués fin du dimanche matin avec Peter. Ah oui, Peter le dimanche matin, incroyable ça, il faut écouter Peter le dimanche matin, avec c'est génial. Ses hippies, il est terrible. Il faut l'appeler, il faut l'appeler en plus Peter pour passer des morceaux, super important ça. Et donc ça c'est Peter, les dédicaces du dimanche matin, et puis on a Jojo et Gégé, toujours et le jeudi. Et Jean-Paul qui est aussi notre vice-président. Et on a oublié Gilles aussi, Gilles qui fait une émission sur la musique celtique. C'est tous les premiers vendredis. Tous les premiers vendredis du mois, qui est aussi notre président à tous. Notre cher président. Ok, et ben merci beaucoup Sabine pour ces précisions. On va profiter du coup du temps qu'on a pour passer un petit morceau. Est-ce que Emma, tu veux présenter le morceau pendant que je le cherche discrètement? Ah non, alors c'est pas Emma. Alors vas-y, fais passer le message. Dis-moi... Ah bah ouais, super idée. On dirait l'Islande, c'est un morceau donc de Gaël Faure, ça c'est du local. Est-ce que tu connais un peu Gaël Faure, Sabine? J'aime bien, oui, j'écoute aussi. Super. C'est alors bon, il y a un spécialiste de Gaël Faure parmi vous? Ok. Ah, une spécialiste peut-être. Eh ben Louise, tu peux nous dire, il vient du coin, non? Tu sais un peu plus? Viens, si tu peux juste présenter le morceau, juste nous dire un peu pourquoi tu l'apprécies, un mot ou deux, si ça t'embête pas. Louise, on lui aura tout fait ce soir. On l'aura fait jouer toute seule, on l'aura fait parler au micro alors qu'elle n'a pas envie. Alors vas-y, présente-nous ce morceau, s'il te plaît. Je sais que le clip a été tourné aux Estables, je crois. Ouais. Et moi, j'aime bien la musique. Ouais, c'est un chouette morceau. On dirait l'Islande, du coup, de... Gaël Faure. Merci. Alors, excusez-moi, léger problème technique. On y va. Qui n'a jamais rêvé, ne serait-ce qu'un jour, de grandes épopées au long cours? T'il besoin pour autant pour trouver l'aventure d'aller si loin de ma nature? Des volcans éteints, de l'heure des chatouvages, j'en manque pas chez moi. Yatise les anciens, tant d'ailleurs à deux pas, lève les yeux et vois, elle vient du cœur, ma demande. Je pars tout à l'heure, aimerais-tu en être là-bas, on dirait l'Islande, ou tout du moins ce que j'avoue en connaître. Islande. Quoi me sert de n'avoir pas 30 ans si l'âge ne tient pas ses serments? Chaque jour qui va est une vie, dit-on, qui ne reviendra pas, c'est con. J'ai cru longtemps, plus souvent qu'à mon tour, qu'on ne pouvait chercher qu'en trouvant. À Babel, Oued, Reykjavik ou Ceylan, ce qu'on n'a jamais perdu vraiment. Ce silence assourdissant, cet azur de l'espace à la mesure de ce que l'on brûle quand on refait le monde. En doutes-tu une

just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. C'était Bob Marley, un petit artiste local que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est la fin de cette émission en partenariat avec AMD. C'était AMD à RDB 2016. On avait fait une édition l'année dernière aussi. Vous pouvez la retrouver sur le site de Zik Actu, Zik Zelika et Actu plus loin. C'est mon émission, c'est les mardis. Et à 7h, l'heure habituelle, là, donc de 18h à 19h le mercredi, vous pouvez retrouver Sabine avec Au fil des mots. Cette émission touche à sa fin, comme nous le signale ce petit avertissement sonore. Vous pouvez retrouver cette émission aussi, celle que vous venez d'entendre, si vous avez raté le début, en podcast sur le site de RDB, ça s'appelle rdbfm.com, et il y a toutes les émissions en podcast. Moi, je le mettrai sur mon site aussi. Voilà, si vous tapez Zik Actu, vous tomberez dessus. Je le mettrai sur mon site prochainement aussi, cette émission, et je pense qu'elle sera rediffusée la semaine prochaine également. Voilà, j'espère que ça vous a plu d'entendre des vrais musiciens à l'antenne de RDB et en espérant que vous resterez fidèles à RDB. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.